c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Il n'aura échappé à personne que nous avons dans cette émission un petit faible pour les exploratrices et les explorateurs d'hier et d'aujourd'hui. Nous éprouvons de l'admiration pour leurs exploits, de l'intérêt pour leurs découvertes, de l'empathie lorsqu'ils échouent. L'écrivain et humoriste Bruno Léandri, que les lecteurs de Fluide Glaciale connaissent bien, aime aussi les histoires d'aventuriers, mais à sa façon. Dans un livre intitulé « Les ratés de l'aventure » paru aux éditions du Trésor, il a choisi de s'intéresser aux aventuriers malchanceux et aux grands loupés de l'histoire de l'exploration. Cet après-midi, Bruno Léandri va nous raconter le parcours de quelques-uns de ces explorateurs malheureux, de Percy Fawcett dont on a perdu la trace en forêt amazonienne, à Guillaume Le Gentil qui a ruiné sa vie pour aller observer en vain un phénomène céleste en Inde, en passant par les perdants de la course au pôle. Et en fin d'émission, le journaliste François Pécheux nous parlera des grands fleuves sur lesquels il nous emmène pour la nouvelle saison de sa série documentaire « Au bout, c'est la mer » diffusée sur France 5. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. Nous avons toujours su que vous reviendriez et qu'avec vous, la vie reviendrait dans notre village. Aujourd'hui, vous voyez la magie de la pierre sacrée que vous avez rapportée. Oui. Aujourd'hui, je comprends sa magie. Vous n'auriez pu garder la pierre ? Oh, pourquoi ? Pour l'avoir fini dans un musée poussiéreux, oublié de tout, c'est inutile. Mais elle vous aurait sans doute apporté fortune et gloire. Tu peux encore arriver ? Non, merci. Non, plus d'aventure avec vous, Dr. Joe. Bruno Léandri, c'est parce que vous aviez envie d'écorner un peu cette image héroïque de l'aventurier sans peur et sans reproche à la Indiana Jones que vous avez écrit votre livre « Les ratés de l'aventure » aux éditions du Trésor. Mon bouquin, c'est « La vengeance des minables ». On regarde toujours ces types-là à la télé quand on est dans notre fauteuil au fond de notre salon et puis on sent nul quoi, à côté d'eux. Ils prennent tous les risques, ils sont forts, ils sont beaux ou belles, mais c'est plus rare, tout souvent des hommes. Et voilà, j'ai envie de me venger, de leur dire « Ben non, des fois quand vous ratez, là d'un seul coup vous êtes discret, vous dites plus rien, et ben voilà, on va... » insister sur les ratages. Même si on va le voir, certains ratages ne manquent pas de superbe. Hein, et parfois, ils sont beaux, même dans l'échec, ces aventuriers, ces histoires que vous racontez. Il y en a deux catégories. Il y a les bourrins qui se cassent la figure et on rigole. Et ouais. Puis, il y en a, on est de tout cœur avec eux. On a pitié parce qu'ils ouais. auraient mérité de gagner. Alors, parmi ces aventuriers qui n'ont pas été au bout de leurs rêves, mais dont l'histoire continue d'intriguer et de fasciner, il y a Percy Fawcett. Qui est-il, Percy Fawcett? Percy Fawcett, c'est l'image d'Épinal de l'aventurier parfait. Quoi. D'ailleurs, on prétend que le personnage Indiana Jones a été inspiré par lui. Et il y a tous les ingrédients qui sont mélangés pour plaire à tout public quoi, dans son histoire. Ouais. Un explorateur qui était fasciné lui-même par les mystères de la forêt amazonienne. Alors, au début du XXe siècle, il mène plusieurs expéditions au cœur de la forêt amazonienne. C'était un topographe, cartographe britannique et dont le terrain de travail était l'Amérique du Sud, principalement. Et il va acquérir une certitude. Il y a, dans cette forêt amazonienne, une cité cachée. Bah, à force de marcher dans les lianes et dans la forêt vierge, il fantasme, il s'imagine qu'il y a des merveilles derrière chaque arbre et plus il marche et plus il a envie d'aller loin et de découvrir. Malheureusement, ces missions ne lui permettent pas au début. Ouais. Alors l'histoire de Percy Fawcett est célèbre, elle a même donné lieu à un film sorti en 2017, The Lost City of Z. Mes estimés collègues, j'ai aujourd'hui la profonde conviction que l'Amazonie est bien plus qu'un désert vert, comme beaucoup d'entre nous l'ont toujours supposé. Je défends l'hypothèse que l'Amazonie recèle une civilisation cachée. Une civilisation qui pourrait bien être antérieure à la nôtre. Pour que les choses soient claires, soutenez-vous l'existence de fabuleux royaumes remplis d'or, car ce sont ces fantasmes qui ont conduit les conquistadors à leur destruction. Ce sont les conquistadors, monsieur, ainsi que nous-mêmes, qui avons plutôt détruit l'Amazonie. J'ai vu de mes propres yeux des preuves de cette civilisation. Alors je peux vous l'assurer, monsieur, c'est une réalité. Et après la guerre, Percy Fawcett monte une expédition pour retrouver la fameuse cité. Avec qui il part en quête de cette cité perdue ? Il part avec son fils et un ami de son fils. Ils partent à trois, mais il faut quand même dire avant que la découverte de cette cité, ça ressemble vraiment à un scénario préécrit par Hollywood, quoi. Oui. Il la trouve pas là-bas en interrogeant les Indiens. C'est au fond d'une bibliothèque de Londres qu'il trouve un vieux manuscrit portugais d'un explorateur, d'un conquistador inconnu qui prétend avoir trouvé une cité intacte avec une civilisation intacte. Et c'est ça qu'il va appeler la cité de Z. Et là, il a un objectif enfin dans sa vie, il va chercher la cité de Z. Alors il y va avec son fils, un ami de son fils. Et qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il va leur arriver ? Rien. On sait rien du tout, c'est-à-dire qu'à un moment, il arrive dans la vallée où on prétendait que cette cité se trouvait. Ouais. Et il envoie un dernier message écrit, et à partir de là, on perd sa trace. Et tous ceux qui partent à sa recherche, dans un premier temps, ne trouvent rien. Ouais, alors là, à partir de ce moment-là, on perd sa trace, mais alors les rumeurs les plus folles vont circuler. Des Indiens affirment l'avoir vu vivant. On parle de, il aurait refait sa vie avec une princesse indienne. D'autres disent au contraire qu'il s'est complètement clochardisé. Enfin, tout est dit et n'importe quoi sur cette histoire. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que l'expédition, plusieurs expéditions sont parties à sa recherche et une incroyable retrouve une trace qui est un médaillon. Qui était autour de son cou, et il le retrouve autour du cou d'un chef indien qui prétend que le blanc lui a donné et qu'il est parti ailleurs. Et à un moment, la rumeur éclate dans la presse que c'est volontairement qu'il a abandonné la civilisation, c'est-à-dire qu'il a disparu volontairement et il a rejoint une tribu, l'une des tribus inconnues et secrètes qu'il y avait dans la forêt vierge, et il est devenu leur sorcier et il est devenu un puissant chaman indien. Ouais. Comme on n'a jamais retrouvé son corps, toutes les histoires sont possibles, envisageables et racontables. Bah, sauf que maintenant l'Amazonie, on peut y aller en voiture avec un caddie et il serait assez facile de le retrouver. Ouais. Il aurait 150 ans aujourd'hui, hein, donc en tout cas lui. Par contre, on le retrouve dans les pages de Tintin parce que Hergé a profité de cette légende dans le Tintin et l'oreille cassée. Ouais. Et on le voit sous le nom de l'explorateur Ridgewell. Il correspond à la description qu'on en faisait d'un blanc en haillons, qui est un explorateur qui avait abandonné les civilisations. Bonjour, mon guide m'a abandonné. Je suis Tintin. Et vous, qui êtes-vous ? Mon nom est Ridgewell. L'explorateur ? Mais tout le monde... Me croit mort, eh bien tant mieux, car je vis heureux ici parmi les Arumbaya. Je n'en doute pas, et je vois même que vous avez adopté leur façon de chasser. Je voudrais leur poser quelques questions. Ah oui, quel genre de questions ? Oh ! Oh, imbécile ! Je n'aurais pas dû essayer de leur enseigner le golf, ils n'arriveront jamais à jouer convenablement. Ridgewell, donc, dans Tintin et l'oreille cassée, qui était clairement inspiré de Percy Fawcett. Alors, on ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé au malheureux Percy Fawcett. Peut-être a-t-il fait une mauvaise rencontre. Beaucoup d'aventuriers et d'explorateurs sont morts tués par les habitants des pays ou des îles qu'ils exploraient. Il faut dire que certains d'entre eux sont arrivés avec des armes. On l'a vu dans cette émission en début d'été avec Magellan. On vous en avait raconté l'histoire. Le podcast est toujours disponible si vous l'avez raté. Magellan qui se met dans un conflit armé qui ne le concerne pas vraiment et qui se retrouve tué par des autochtones. Vous racontez l'histoire de Marion Dufresne, Marc-Joseph Marion Dufresne, Bruno Léandri, dans votre ouvrage, qui a donné son nom à un bateau de ravitaillement des terres australes et antarctiques françaises. Qui était-il, Marion Dufresne ? C'est principalement d'ailleurs à cause du nom du bateau qu'on le connaît aujourd'hui. Qu'on le connaît encore. Bah, c'était pas réellement un explorateur, c'était un gentilhomme, aventurier, trafiquant, commerçant. Enfin, il était capitaine d'un bateau de la Compagnie des Indes et il travaillait autour de l'île Maurice et surtout, il faisait beaucoup de trafic d'esclaves parce que c'était très juteux à l'époque. Et voilà qu'on lui demande de ramener un indigène tahitien que Bougainville avait amené à Versailles pour montrer à la cour, et on lui avait promis de le ramener dans son village. Et on l'a ramené dans l'océan Indien, mais il reste encore une partie du voyage à faire, et on demande à Marion Dufresne, monsieur le capitaine, est-ce que si ça vous ennuie pas, vous pourriez faire une petite course pour ramener notre ami l'Indien, notre ami le Tahitien, joué de l'ukulélé, dans son île. Et donc il accepte, et il part ramener l'Indien, le Tahitien, décidément. Malheureusement, le Tahitien, il meurt sur le bateau, et Marion Dufresne n'a plus de mission à accomplir, mais il y avait un codicille à sa mission, à ses ordres, c'était d'explorer sur le chemin les terres inconnues et éventuellement d'en ramener à la couronne française. Donc il lui reste plus que cette mission à remplir, voilà. D'exploration, même si lui au départ n'était pas un explorateur dans l'âme, en tout cas c'est ce que vous semblez dire. Non, il va s'y consacrer. Il se pique au jeu et effectivement il découvre des archipels australes, entre autres l'archipel des Crozets, et puis il arrive en Tasmanie. Il explore les côtes de Tasmanie et là, les deux bateaux qui commandaient se rendent dedans, dans le brouillard. Donc, il faut les réparer et il cherche en Tasmanie, mais il n'y a pas d'arbres qui sont appropriés pour réparer les bateaux. Donc, il va plus loin, il va en Nouvelle-Zélande. C'est pas le premier à arriver en Nouvelle-Zélande. Le capitaine Cook l'a déjà exploré. Enfin, donc, il connaît un peu et il débarque. Et là, incroyable, les tribus maoris qui sont dans la région l'accueillent tout à fait amicalement, tout se passe bien, c'est merveilleux. Au début, tout se passe bien, on lui donne les honneurs, le chef l'élève à un certain rang social dans la tribu. On fait un chef aussi de son rang, les matelots font la fête avec les Indiens, c'est la musique, c'est vraiment génial. Et puis du jour au lendemain, voilà, c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que alors que tout était bien parti, ils avaient les armes, ils commençaient à réparer les bateaux, et du jour au lendemain, ces Indiens si amicaux, si gentils, deviennent hostiles et on comprend qu'il y a un problème mais on sait pas quoi. Donc l'équipage de Marion Dufresne fait comme si de rien n'était, continue son travail et puis un jour le capitaine Marion Dufresne ne revient pas avec plusieurs de ses hommes. Donc le second envoie une chaloupe avec 12 hommes pour prendre des nouvelles, savoir ce qui s'est passé. Ils reviennent pas non plus, alors là ils s'inquiètent vraiment et puis le soir il y a un seul homme qui revient à la nage, il est blessé. Les Indiens les ont attaqués et ils ont attaqué le chef de l'expédition. Mais est-ce qu'il est mort ou pas? On ne sait pas. Sauf que le lendemain, sur la plage, les matelots qui restent dans les bateaux voient les Maoris danser sur la plage en agitant les uniformes des officiers ensanglantés. Donc clairement, ils ont fait passer un mauvais sort. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Manifestement, il y a eu un faux pas de la part des Occidentaux, ils ont dû transgresser une coutume, ils ont peut-être coupé un arbre sacré sans le savoir, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Non, pas exactement, les avis divergent, certains ont prétendu, oui c'est sûr qu'il semblerait qu'au départ il y ait l'infraction d'un tabou. Et mais est-ce qu'ils ont pêché dans un endroit où ils avaient où il y avait eu des morts, ou est-ce qu'ils ont coupé des arbres sacrés? On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais ce qui est sûr, c'est que quand l'expédition revient à terre, parce qu'il fallait quand même terminer les réparations, ils découvrent les restes d'un repas et sans aucun doute c'est des restes humains et c'est ceux de leur capitaine et de leurs compagnons. Donc ils ont été mangés en ravigote. Alors en ravigote. On ne sait pas quelle était la recette, mais ils ont été mangés. Marion Dufresne, il a quand même eu le temps de découvrir quelques terres australes et antarctiques françaises. Est-ce qu'il est l'auteur de découvertes? Bien sûr, dans les îles Edwards, la principale des îles Edwards porte son nom, l'île Marion, et l'archipel des Crozets, qui est actuellement, qui reçoit actuellement une base française, c'était son second sur son bateau. Ouais. Le lieutenant Crozet. Ce qui est amusant dans les découvreurs des îles, des terres australes et antarctiques françaises, vous le dites par exemple pour les îles Kerguelen, donc découvertes par Yves de Kerguelen, quand il est rentré à la cour et qu'il a vu Louis XV, il lui a dit « J'ai découvert un petit paradis terrestre ». On voit là tout l'art de l'aventurier d'extrapoler un peu et d'enjoliver ses découvertes. Et lui, il en a ajouté 500 grammes de trop à son kilo, parce que du coup Louis XV lui dit « Ah bah c'est si merveilleux que ça, bah retournez-y ». Et l'autre, il avait même pas débarqué quand il avait découvert les Kerguelen. Ouais. Du coup, il repart et puis il débarque pas non plus parce que c'est vraiment trop tard l'environnement. Et il revient et puis il avoue au roi que quand même c'est pas terrible comme île. Ça s'appelait après les îles de la désolation. Ça, ouais, ça en dit long. Et du coup, Louis XV l'envoie en prison parce qu'on se fout pas de la gueule d'un roi comme ça. Nous poursuivons nos récits entre mésaventures et fiascos avec Bruno Léandri qui nous raconte l'histoire de quelques ratés de l'exploration dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Les gars, êtes-vous prêts à connaître l'aventure ? Oui, chef ! Le danger ? Oui, chef ! La mort ! Tu peux répéter la question ? On saute ! Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Take a chance on me, et c'était Abba sur France Inter, le temps d'un bivouac. Simon, d'après toi, qu'est-ce que je suis, moi ? Comment ? Quel genre de type je suis, d'après toi ? Ben, le genre aventurier. Et c'est quoi, un aventurier ? D'Artagnan, Zorro. Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier. Parce que les emmerdements, dès qu'il y en a quelque part, je peux pas résister, je plonge. Mais voilà où est le problème, Simon. C'est qu'un aventurier, c'est pas un papa. Extrait du film L'As des As avec Belmondo. Elle vous plaît, Bruno Léandri, cette définition de l'aventurier par... Oui, elle est quand même assez précise et scientifiquement assez fidèle, oui. Ça aime les emmerdes, les aventuriers, avant tout. Bah, sinon, ils resteraient dans leur salon à regarder les aventures d'autres aventuriers. Ouais. Alors, dans la catégorie des aventuriers qui, effectivement, obéissent un petit peu, faut le reconnaître, à cette définition, il y a Éric de Bishop, un Français qui a beaucoup de ratages et d'emmerdes à son actif. Oui, il est pas très connu, mais... il devrait, parce que c'est quand même un recordman des aventures foireuses. il en a connu énormément. Et ça a été le spécialiste des bateaux en allumettes, en bambou, en bout de bois, et tout se coulait. Mmh. Oui, c'est ça. Alors 10 ans après la première guerre, De Bishop se trouve en Chine où il construit donc une jonque qui va s'écraser sur les récifs à l'embouchure du Yangtze. Et puis il fait une deuxième tentative. À chaque fois, il remonte sur sa monture ou en tout cas sur son embarcation. Et cette fois-ci, il se retrouve dans les geôles japonaises parce qu'on l'accuse d'espionnage. Ça, c'était avant la deuxième guerre mondial, et effectivement, il se retrouve en prison, mais on lui rend sa jonque. Au bout d'un moment, il reste un moment et il repart avec sa jonque direction Hawaï. Et puis, il arrive presque à Hawaï, mais avant, la jonque s'éclate sur des récifs et c'est presque mort qu'il arrive à Hawaï. Ouais, c'est un peu le Pierre Richard de l'aventure, ce Bishop, et sa grande aventure à lui, elle commence après la Seconde Guerre, c'est ça, il va se lancer dans une expédition en réaction à celle d'un Norvégien. C'est-à-dire qu'il s'est un petit peu trompé. On est dans avant, les années 30. On va dire en deux mots. Sa 30, première tentative, c'est de refaire avec les méthodes séculaires hawaïennes une embarcation vernaculaire. Et il repart avec. Et il a beaucoup de mal à rejoindre l'Europe, mais il y arrive quand même. Et là, il y a la guerre. Et la guerre, il se plante aussi. Il se gourde au camp, quoi. Il soutient le maréchal. Et comme il repart à Hawaï dans un bateau qui lui-même va couler encore. Enfin, il arrive à Hawaï, et là, il se fait nommer consul honoraire à Honolulu. Non, mais c'est incroyable, quoi. Il devait y avoir 4 Français. Il y a un consul honoraire de Pétain à Honolulu. Et les 4 Français, ils devaient être gaullistes, en plus. Ouais. Enfin, bref, il est à Honolulu. Et puis après, il est obligé de se faire oublier après la guerre. Il se retrouve à Tahiti. Et à Tahiti, il entend parler de cette histoire dont tout le monde parle, qui est cette aventure scientifique d'un Norvégien qui veut prouver que l'Océanie a été peuplée par des tribus qui venaient d'Amérique du Sud. Thor Heyerdahl, il s'appelle. Et donc, il construit sur place en Amérique du Sud, avec les matériaux qu'il trouve sur place, comme au temps du Néolithique, un radeau avec lequel il part, avec un équipage de 5 personnes, et il arrive à rejoindre la Polynésie avec son radeau, et tout le monde crie à l'exploit, et dit, voyez, j'ai raison, c'est les Américains du Sud qui ont peuplé la Polynésie, et c'est un héros mondial. Et là, Bishop... Il est fou de rage. Il est jaloux. Ce type-là, il fait exactement la même chose que je fais depuis 30 ans, il construit des bateaux avec des bouts d'allumettes qu'il trouve sur place, mais moi, je fais pareil. Alors, du coup, il dit... Non, moi je suis pas d'accord. C'est les Polynésiens qui ont débarqué en Amérique du Sud et ils sont revenus en Polynésie. Ils pouvaient tout faire les Polynésiens. Je vais vous le prouver. Et il fait la même chose qu'Heyerdahl. Il construit un radeau en bambou sur Tahiti avec les méthodes historiquement de l'époque et il repart avec un équipage de 5 personnes, un chat et un cochon. Direction les côtes du Chili en profitant des vents du sud. Sauf que pour lui, ça va se passer beaucoup moins bien. Récit de cette aventure périlleuse avec l'un des coéquipiers de Bishop, Francis Cowan. Nous avons subi une grosse tempête aux environs au sud des îles de Juan Fernandez. Au bout de 15 jours de mauvais temps, le radeau ayant déjà beaucoup souffert, nous avions perdu pas mal de bambous, nous les voyions se détacher tous les jours et le radeau s'enfonçant évidemment. Vers les derniers jours, nous avions de l'eau, nous avions un mètre d'eau dans la cabine. Un mètre d'eau dans la cabine et le radeau avait de la gîte. Nous nous sommes réunis à bord du radeau et nous avons examiné les possibilités de survie sur cet engin qui, il faut le dire, était en piteux état à ce moment. Nous avons donc décidé d'abandonner le radeau. Bon, ça va faire long feu, cette histoire, ils vont finir par se faire rattraper par des sauveteurs qui vont leur permettre de faire la fin de l'aventure. Les Chiliens, c'est à 700-800 kilomètres des côtes du Chili que le radeau se démantibule, et les Chiliens les ramènent chez eux, mais quand même, ils ont fait les 4/5 du chemin, c'est quand même une prouesse. C'est quand même pas mal. Alors ils sont accueillis en triomphe un peu à Santiago, peut-être qu'ils n'ont pas souvent d'aventuriers à fêter là-bas, et comme... de Bishop manifeste l'intention de continuer sa preuve et de prouver que les Polynésiens arrivés en Amérique du Sud ont pu repartir en Polynésie, il dit bah, je continue, je vais refaire un radeau tout pareil. Il a quand même peur de rien, hein, parce que il vient quand même de manquer de couler avec son radeau in extremis, il a été sauvé par les Chiliens et bille en tête, il change un peu l'équipage et retourne dans l'autre sens. Il commence à être âgé, il a plus 20 ans. Et alors comment va se passer le retour? Alors il va presque y arriver comme dans toute sa vie, quoi. Mais sauf qu'il change de bois parce qu'il n'y a pas de bambou suffisant, il prend un autre bois et qui est un bois beaucoup moins marin que le bambou. Et en arrivant vers les Marquises, son radeau se démantibule. Donc ils construisent avec des bouts de planches une autre palette de secours et tous les cinq vont sur le truc de secours et là c'est terrible parce que ils n'étaient pas navigables ces trucs là donc il y avait que le vent derrière et ils voient une île, ça y est, ils vont arriver, mais non, le vent les pousse à 200 mètres quoi, mais ils peuvent pas tourner, ils peuvent pas y arriver, et le vent les pousse encore bien plus loin et c'est reparti, ils font encore plusieurs centaines de kilomètres, puis finalement ils arrivent sur un atoll, et là, il se fracasse sur les rochers, et l'équipage s'en tire, mais Dave Bishop est trop âgé, trop faible, et il meurt. Oui. Il est assommé par le radeau pendant le naufrage, c'est le seul à périr dans cette aventure. Alors, on a vu, hein, pour Dave Bishop, l'aiguillon, en tout cas, pour cette ultime aventure, c'est la rivalité avec ce Norvégien. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les histoires d'aventuriers, cette course, notamment la course au pôle, notamment. Il y avait un peu une histoire de cet ordre. Vous racontez l'expédition Terra Nova menée entre 1910 et 1913 à laquelle a participé Robert Falcon Scott. Lui, il menait ça à des recherches scientifiques et puis aussi d'exploration géographique. Et dès le début, c'est compliqué. Quand il arrive sur le continent antarctique, ça part très mal pour lui. Bah, c'est-à-dire qu'il avait voulu, c'était un Anglais, il savait qu'il y avait un Norvégien qui était parti pour faire le même exploit, rejoindre le pôle Sud. Personne n'avait encore été au pôle Sud. Mmh. Et il y avait encore une vraie motivation de découvrir un point géographique formidable où personne n'avait été. Et donc, l'Anglais avait organisé toute son expédition avec tout des moyens énormes pour l'époque. C'est-à-dire, il avait fait amener des tracteurs, il avait amené des poneys sauf que le Norvégien, lui, avait été bien plus malin. Il avait simplement regardé les Esquimaux. Ouais. Comment ils vivaient, comment ils se transportaient, comment ils survivaient. Parce que Scott, à peine arrivé, les engins motorisés tombent en panne, les poneys chargés de porter les vivres de l'expédition décèdent. Une grande partie de l'équipe décide donc de rebrousser chemin. Et Scott poursuit sa route avec seulement 4 compagnons. C'est eux-mêmes qui tirent leur chariot. Les voilà partis à travers le continent antarctique. C'est pénible, c'est difficile, mais quand même, au bout d'un moment, le pôle Sud est en vue. Mais là, une mauvaise surprise les attend. À 110 000, du haut de la passerelle de la Terra Nova. Et qu'y a-t-il, Bowers? Et pourquoi vous arrêtez-vous? Fatigué? Commandant, je vois une tache sur le pôle. Quoi? Droit devant, sur cette pyramide de neige, un pavillon noir. Un pavillon de pirate. Evans, il faut jouer franc jeu. Amundsen a touché le pôle avant nous. Les beaux jeudis, un extrait de 1958, le Norvégien Roald Amundsen qui a damé le pion à Scott. Alors Amundsen, il a vraiment joué finement, hein, parce que il a laissé entendre que c'était le pôle Nord qui l'intéressait, qu'il était en train de mener une expédition dans le Grand Nord, et en réalité, en cachette, il a organisé cette expédition dans le plus grand secret et il a damé le pion à Scott. On imagine la déception de cet explorateur quand il arrive au pôle Sud et qu'il trouve le message laissé. Mais ça a bouleversé la Terre entière. Ce type que, l'exploit d'Amundsen était extraordinaire, c'est sûr. Et puis en plus, il n'avait rien dit parce qu'il savait que ses compatriotes lui mettraient des bâtons dans les roues en disant que c'était trop prématuré, qu'il y avait trop de risques. Donc il n'avait rien dit, il s'était barré au pôle Nord et puis en fait il avait fait un virage à 180 degrés pour aller au pôle sud. Bien lui en a pris. Et par contre, Scott, lui, il a vécu un véritable calvaire pour monter. Ils sont pas partis du même point. Mmh. Il a vécu un véritable calvaire en tirant son traîneau alors que Amundsen avait des chiens, mmh. comme les Esquimaux. Eux, ils étaient terribles. Et arriver là, après ces mois de souffrance, et de trouver un mot qui dit « Nananer, ouais. je suis arrivé avant toi ». Oui, c'est vraiment ça, parce c'est épouvantable. Amundsen, en plus, lui donne un message à aller porter au roi de Norvège pour lui dire qu'ils ont bel et bien atteint le pôle avant. Donc, il le nargue réellement. Scott s'est fait doubler, il reprend le chemin du retour. Et là, ça vire vraiment au tragique, parce que les vivres vont venir à manquer. Il ne trouve surtout pas le ravitaillement. D'abord, il n'a pas le moral, parce qu'après un coup comme ça, on comprend. Mais enfin, il a pas de chance. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais temps terrible qui s'acharne continuellement sur l'équipe quand ils y reviennent. Et puis alors, c'est un cercle vicieux, là, parce que plus ils avancent lentement, plus ils doivent se rationner. Plus ils se rationnent, plus ils s'affaiblissent. Et plus ils s'affaiblissent, plus ils avancent lentement. Ouais. Et ils vont mourir les uns après les autres. Voici l'extrait d'une lettre que Scott laissera peu avant de mourir. Jamais des êtres humains n'ont souffert autant que nous pendant ce dernier mois. L'ouragan nous a arrêtés à 18 km du dépôt où nous espérions trouver les vivres nécessaires à la dernière partie du voyage. Eût-on jamais eu plus mauvaise chance? Nous sommes arrêtés à 18 km du dépôt, n'ayant plus de vivres que pour 2 jours et de combustible que pour un seul repas. Depuis 4 jours, il nous a été impossible de quitter la tente. L'ouragan hurle autour de nous. Nous sommes faibles. Je puis à peine écrire. Cependant, pour ma part, je ne regrette pas d'avoir entrepris cette expédition. Elle montre l'endurance des Anglais, leur esprit de solidarité et prouve qu'ils savent regarder la mort avec autant de courage aujourd'hui que jadis. Nous avons couru des risques. Nous savions d'avance que nous allions les affronter. Si les choses ont tourné contre nous, nous ne devons pas nous plaindre, mais nous incliner devant la volonté de la Providence, résolu à faire de notre mieux jusqu'au bout. Une lettre émouvante, évidemment, laissée par Scott juste avant de mourir au beau milieu de l'Antarctique. En plus, vous le dites, on l'a retrouvé, après les sauveteurs l'ont retrouvé, il était vraiment pas loin du poste de ravitaillement. 18 km, comme il le dit, alors qu'ils en avaient fait 2000 quand même. Ouais, il était vraiment tout près du but. Alors vous faites figurer, Bruno Léandri, je vais prendre la défense quand même de ces aventuriers, vous faites figurer ce pauvre Scott dans votre livre sur les ratés de l'aventure. Il force quand même l'admiration, ce Scott et toute son histoire, elle est belle. Mais tous forcent l'admiration, évidemment, parce qu'ils essayent d'aller plus loin que les murs de leur salon et que leur fauteuil et que leur télé, évidemment, qui forcent l'admiration. Alors, au moins, ce que l'on peut dire, c'est que Scott, il est quand même passé à la postérité, même si c'est le deuxième, hein, même s'il arrive après Amundsen au pôle sud. Son ratage est tellement pathétique que c'est devenu aussi célèbre que le triomphe d'Amundsen. Ouais. Et l'histoire a finalement retenu son nom. Vous allez nous raconter d'autres histoires d'aventuriers malchanceux, Bruno Léandri, qui méritent que l'on connaisse leur nom. Just where you think. C'était Claude Fontaine, Hot Tears sur France Inter. J'ai matérialisé sur cette map monde les lieux où le transit de Vénus sera observable dans les meilleures conditions. Et je peux vous assurer que le voyage ne sera pas une partie de plaisir quant aux conditions d'observation. Mais croyez-moi, mes enfants, Vénus y brillera de tous ses attraits. En restant ici, vous êtes assurés d'inscrire votre nom parmi les plus grands académiciens de notre siècle, voire de connaître une gloire posthume. Vos travaux l'ont déjà avéré. En prenant la mer, vous pouvez tout perdre. C'est un choix difficile. Réfléchissez le temps qu'il faudra, et dans tous les cas, votre décision sera respectée. C'est tout réfléchi. Je pars. Tu en es certain, Guillaume ? Je le suis. Mais où veux-tu aller ? Là. Un extrait de l'émission Au fil de l'histoire de Stéphanie Duncan, diffusée en 2011. Alors, nous sommes au XVIIIe siècle et Guillaume le Gentil s'apprête à partir pour l'Inde. Vous racontez son histoire à ce Guillaume le Gentil, pas très connu. Hein. Vous la racontez cette histoire dans votre livre Les ratés de l'aventure aux éditions du Trésor, Bruno Léandri. Alors, qui est-il ce Guillaume le Gentil ? Eh ben, lui, par contre, c'est le recordman du malchanceux parmi les aventuriers scientifiques. Ouais. Mais avant de raconter son histoire, il faut que je dise en quelques mots, faire une petite séquence scientifique que j'explique ce que c'est le transit de Vénus. C'est donc le passage de la planète Vénus devant le Soleil. Et quand on arrive à l'observer, on peut en tirer plein de conclusions que je peux pas vous expliquer, mais qui sont très importantes pour les astronomes. Ce que je dois vous dire, c'est que Vénus a une drôle de caprice quand elle passe devant le Soleil. Elle passe, elle passe une fois, après elle repasse une deuxième fois 8 ans plus tard. Toujours. Et après, elle attend 120 ans, en gros, pour repasser une troisième fois. Et puis après, ainsi de suite, 8 ans plus tard, c'est un cycle. Donc, il se passe 120 ans entre deux passages. Comme votre invité précédent n'est plus là pour me contredire, je peux raconter à peu près n'importe quoi. Mais disons que c'est quand même à peu près ça. Et donc, l'abbé Le Gentil de la Galésière est mandaté par Louis XV, entre autres, parce que Louis XV envoyait plein d'astronomes de l'Observatoire de Paris, dans les plein de points du monde où on peut regarder le transit de Vénus dans les meilleures conditions. Lui, il doit aller à Pondichéry, qui est un comptoir français dans les Indes. Et donc, le trajet pour y aller, évidemment, à ce temps de la marine à voile, c'est en soi une aventure. Il faut contourner l'Afrique, traverser l'océan Indien, etc. Et donc, notre abbé, qui est un type très méthodique, et un vrai scientifique des sciences balbutiantes, mais qui quand même sont déjà bien importantes, il prend toutes ses précautions, il part avec un an d'avance pour être certain de pas rater la bonne date. Et donc il arrive à l'île Maurice sans problème. Mais là, les ennuis commencent. C'est-à-dire que la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre reprend, et il n'y a plus aucun bateau qui veut partir à Pondichéry parce que ça risque de fumer par là-bas. Donc il attend, et le temps passe, et la date se rapproche. Alors là, il y a du suspense, musique. Et il y a un bateau militaire, enfin une frégate, qui accepte de le convoyer, puisqu'elle a des ordres du roi, jusqu'à Pondichéry. Donc il repart. On est encore dans les temps, ça va, c'est bon, il va y arriver. Et puis on approche, on est presque à Pondichéry. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le jour que choisissent les Anglais pour attaquer Pondichéry. Donc les canons tirent là-bas, le bateau dit non, c'est pas bon. Il fait demi-tour, il se barre le jour où la planète Vénus passe devant le Soleil. Donc notre Guillaume le Gentil se retrouve en pleine mer le 6 juin, le jour du transit de Vénus. Aidez-moi à amarrer la lunette. Faites attention! Tirez la drisse! Pas si fort! C'est un instrument fragile, voyons! C'est bien comme ça. Maintenez-la en place. Alors tu m'as bien compris, petit. Dès que le sable s'est écoulé, tu retournes l'horloge, prestement. Il ne faut perdre aucune seconde où tous mes calculs seraient faussés. Et à chaque fois que tu la retournes, tu traces un trait. Voilà. Je crois que le transit va débuter. Ah, si la houle pouvait cesser, je pourrais fixer mon regard dans la lunette. Même la mer est contre moi. Conditions d'observation pour le moins difficiles, hein, on l'a compris, mais notre Guillaume le Gentil ne se laisse pas décourager et il va décider de rester en Inde, Bruno Leandri ? Non, pas de rester en Inde. Mais c'est-à-dire que ces observations sont complètement pourries d'un bateau. Qu'est-ce que vous voulez observer des... Oui. C'est pas possible. Donc, il est pris d'une bouffée d'orgueil du scientifique frustré. Il dit, c'est pas possible, j'ai pas fait tout ce chemin, pour retourner bredouille. Et il dit, allez, dans 8 ans, il est célibataire, il a pas d'attache spéciale en France. Il dit, bon, allez, je vais attendre 8 ans, je vais faire des études pour l'observatoire en attendant, ou des mots croisés, enfin, je vais passer le temps, et je vais attendre le deuxième passage de la planète de Vénus dans les meilleures conditions possibles. Et donc, et c'est ce qu'il fait, il écrit à Paris qu'il décide de rester, et puis il retourne à l'île Maurice, et il attend que la planète Vénus revienne, faire son petit tour de piste. Comment ça se passe 8 ans après, alors, 8 quand ans Vénus plus tard, fait son retour? Tout se présente bien. Comme là, du coup, il est prudent, il n'a pas envie, il n'y a plus de guerre, donc c'est bon, il y va, avec beaucoup d'avance, il arrive à Pondichéry, il prend toutes ses dispositions, il construit un observatoire sur place pour être sûr de ne pas rater son truc, et puis enfin, le jour arrive, il est là, il est prêt, tous ses instruments sont là, et il se lève à l'aube, évidemment. Et là, en se levant, qu'est-ce qu'il voit? Que lui, il est prêt, mais le ciel, non. Il n'est pas prêt, le ciel. Il est couvert de nuages. Et dans ce lieu de la côte des Indes, où il fait toujours beau, ce jour-là, le jour du transit de Vénus, il y a les nuages qui vont défiler du matin au soir. Et l'abbé ne pourra rien voir. Il ne verra rien du transit de Vénus qu'il a pourtant attendu pendant 8 ans. Vraiment malchanceux, cet explorateur obstiné. Et il n'est pas au bout de ses peines et de ses surprises, puisque quand il rentre à Paris, une mauvaise surprise l'attend. Que puis-je pour vous de si bon matin? Joseph, tu ne me reconnais pas? Non, mais qui est... Oh mon Dieu, ne me dis pas que c'est toi, je te croyais... Mort. Mais enfin, tu aurais pu... Qui est-ce? Que fais-tu, Joseph? Nous avons du travail. Guillaume, nous te pensions tous... Mort? Décidément, c'est une épidémie. Je suis passé à l'appartement que j'occupais à l'Académie des sciences, mais j'ai vu quelqu'un en sortir. Oui, tu sais, comme nous n'avions pas de nouvelles... Joseph, mieux vaut qu'il l'apprenne par notre bouche. Écoute, Guillaume, l'Académie t'a nommé membre senior. Senior? Je n'y ai donc plus ma place, ni mes appointements. Maintenant que tu es là, tout va rentrer dans l'ordre. Il suffira de faire les démarches. Ça va, ne vous fatiguez pas. La belle Vénus nous aura pris bien des vies. C'est à se demander si la science mérite de tels sacrifices. Car au fond, je ne crois plus guère que la lumière dont elle est censée nous éclairer apportera un jour la paix et le bonheur aux hommes. Guillaume le Gentil qui se demande si tous ces sacrifices, si la science méritait tous ces sacrifices. Ils sont très émouvants, ces explorateurs, avec leurs échecs. Ah, voilà un aventurier au moins qui mérite notre admiration et notre compassion, parce qu'il a tellement pas eu de chance, le pauvre. Mais quand même, son histoire se termine sur une note un peu plus gaie, c'est-à-dire que pendant qu'il est obnubilé par ses procès pour essayer de récupérer sa maison, ses domaines, ses places, il tombe amoureux, il découvre l'amour. Et il va épouser une jeune femme de son pays, avoir une petite fille et terminer sa vie en écrivant des traités scientifiques et à élever sa petite fille. Il est totalement inconnu du grand public, mais quand même, ses collègues astronomes ont donné son nom à un cratère de la Lune. Celui en bas à gauche qu'on voit mal, là, mais quand même, il en a un. Merci Bruno Leandri. Je rappelle le titre de votre livre, Les ratés de l'aventure, aux éditions du Trésor. Restez avec nous, dans un instant, nous partons voguer sur les grands fleuves du monde avec François Pécheux. La corde enroulée à mon cou, ça vire sec, ça tire sec, ça tranche dans le ventre comme un trou. J'ai posé sur mes yeux un bandeau blanc. Trop de look, ça fait bloc, ça fait. La lumière m'aveugle, je deviens fou. L'image ne sera jamais plus nette. J'oublie la vue, j'oublie le goût, j'oublie. J'ai sauté dans le flou. Ça fait plus mal, ça fait plus rien. J'ai perdu. Pédale. j'ai perdu la raison. Il ne reste que les gens bord du sol. Où est-il? Que fait-il? Comment? Je suis là, sous vos pieds. La pression sur mes tympans est trop forte. Entend-il? Nous voit-il? Peut-il? La terre dans ma bouche, plus un son. C'était Les Pédales de Olivier Marguerite sur France Inter. La programmation musicale est signée Thierry Dupin. Attention, ça va mouiller. Oui, okay, attention. Allez là, t'es fouet, Philippe. Et mon voyage commence ici. SOS. Avec Diego. Hey, full, assaut. Je suis à 1100 km de la mer, sur un des nombreux affluents du Magdalena, le Rio Negro. Ici, le fleuve, c'est un dédale de rapides qui dévale la cordillère des Andes. J'ai l'impression d'être Indiana Jones. Mais c'est vrai qu'il ressemble au pont d'Indiana Jones, mais en plus court. Bonjour François Pécheux. Bonjour Daniel. Voici comment commence le premier épisode de la deuxième saison de votre série documentaire « Au bout, c'est la mer ». Il a été diffusé mardi dernier, mais il est encore disponible en replay. Et donc, nous étions en Colombie, sur cet affluent du fleuve Magdalena. À quoi ressemble ce fleuve que vous avez descendu, François Pécheux ? C'est un peu comme les... Alors, il n'y a pas un fleuve qui ressemble à l'autre, mais celui-là, on est au milieu de la Colombie, qui est un pays déjà très luxuriant, avec de la forêt, de la montagne, et puis on est parti au petit matin, là, je me souviens qu'on est en raft. Ça commence toujours très vite, les grands fleuves, et après, c'est un long serpent tranquille qui descend jusqu'au delta, jusqu'à la mer. Donc, les premiers 500 kilomètres, c'est de la pente rapide, où ça bouillonne. Et puis après, on se fraye le chemin dans la plaine et à peu près tous les grands fleuves, j'apprends en le faisant, hein, parce qu'en enchaînant le Mékong, l'Amazonie, c'est à peu près toujours la même topologie, on descend vite et après on se calme. Et là, au début du film, bah, c'est toujours vite en fait. Ouais. Alors, l'idée de votre série, hein, c'est d'amener le spectateur sur ces fleuves du monde. La série est diffusée sur France 5 tous les mardis du mois d'août à 20h50. Et à chaque fois, alors il y a le décor qui est superbe, mais il y a aussi cette idée d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui vivent sur le fleuve et avec le fleuve. Ce sont des rencontres avant tout. Ça partait de... Alors c'est toujours pareil, on a une idée de voyage, une idée de télé, une idée de programme, une idée de bouquin, si on racontait les fleuves. Et on se disait, comme ça, même intuitivement, ouais, sur les fleuves, puisque les civilisations sont nées par les fleuves, les gens des fleuves auront sûrement des choses à raconter. Je suis... après en avoir fait quelques-uns, de plus en plus surpris par la pertinence, l'intelligence, la gentillesse, la richesse de tous les gens que je rencontre. Tous, de petites conditions, de grands transporteurs, ils sont portés par, je sais pas comment, par Siddhartha, par le fleuve, par, par notre histoire. Vraiment, c'est une surprise que ça soit une... Là, on parlait de... Vous êtes... On est en Colombie, mais on... un peu plus loin en Colombie, il y a cette petite Lorena qui fait sa panela avec la canne à sucre et puis qui raconte son pays. Un peu plus loin, il y a un pêcheur dans les remous qui se met dans l'eau, mais qui fait 200 kilomètres pour venir retrouver ses sensations de gamin, où il pêche en risquant sa vie. Mais lui, il est ingénieur à Bogota. Hein. Mmh. Il vient risquer sa vie dans les remous pour sentir le contact de l'eau, sentir le contact du fleuve. Je suis très surpris. Alors, c'est un vrai bonheur. Après, hein, après le, tout notre boulot, c'est de s'approcher de ces gens-là, d'être le plus discret possible, le plus gentil, de les aider, de partager, de transpirer, de se faire accepter jusqu'à peut-être manger, jusqu'à peut-être dormir. Et puis après, quand il n'y a plus rien à se raconter, c'est qu'on a gagné la partie, qu'on est bien ensemble et qu'on écoute le silence. Ouais, et alors, c'est le prochain épisode hein, de mardi prochain, c'est l'Amazone, plus grand fleuve du monde. Ce fleuve a dû vous marquer, évidemment. Ben moi j'étais petit, j'étais parti avec mes images en tête, il va y avoir une pirogue, des moustiques, on va longer les crocodiles, puis il va y avoir la forêt vierge, les cris des animaux, les singes. On l'a pris plus tard, c'est-à-dire que j'étais surpris dans l'autre sens, j'étais surpris par un fleuve dont on voit même pas les bords. C'est très grand et en même temps très sécurisant, donc c'est un courant boueux, jaune, qui nous emmène très loin. C'est comme si vous étiez sur le lac Léman un peu, vous voyez la taille, ouais. On voit pas les bords. Avec un peu plus de remous peut-être quand même. Eh ben, ça dépend où. Des fois, c'est très profond. Des fois, ça se resserre. Puis les fleuves, ils ont une vie. Enfin, c'est ça. C'est le cœur qui bat, le fleuve. Ouais. Moi, j'ai adoré l'Amazonie parce que j'ai embarqué en bateau sur ces bateaux de passagers là pendant 4 jours, où il y a tous les hamacs pendus les uns à côté des autres. Je sais pas si vous avez ces images en tête où tout le monde est côte à côte. Et là, pour le coup, on passe 5 jours dans 2 mètres carrés avec des gens dont finalement, ça devient une grande colonie et tout le monde en bienveillance et pas un cri, pas un pleur de bébé, un peu de chant. Un peu de guitare, les 5 jours passent comme la vie du fleuve, c'était merveilleux. Ouais. Alors, j'ai adoré cette Amazone. Ça a l'air très serein. Allez, en 30 secondes, est-ce que vous avez eu aussi quelques frayeurs sur certains de ces fleuves, François Pécheux? Une fois suspendu au-dessus du Mékong, dans les remous, là où je retrouve un pêcheur qui, lui, fait ça toute sa vie en tongue, suspendu, c'est un câble en acier qu'il faut traverser, et là, je me dis, si je tombe là, mon gars, je peux ne pas revenir. Donc ça me traverse un petit frisson, en même temps, ça reste de la télévision, donc il faut un peu être là quand même. Ouais. Donc je recule pas, j'y vais. Là, j'ai un peu serré les fesses, ouais, j'étais un peu... Et puis, sur le Rhin, aussi bêtement que ça, sur le Rhin, en juin, là, on est parti raconter ce fleuve, qui est un très beau fleuve aussi. Et là, on monte dans un amphicar, une voiture amphibie, et je dis au gars, ouais, ben, on va faire un tour. Alors, l'amphicar, c'est un mauvais bateau avec une mauvaise voiture. Hein. Rien n'est à mariner, il n'y a pas un parbattage, il n'y a pas un bout, l'eau est à 10 cm de la portière, enfin, voilà, faut pas bouger trop. Et je dis au gars, est-ce qu'on peut aller dans le bras principal là-bas? Et on se retrouve dans le bras principal en plein courant. Le moteur remonte pas le truc, il y a des péniches tous les 20 mètres. Merci. Il y a un courant de dingue. François Pécheux, la suite sera à découvrir sur l'épisode qui sera diffusé pendant le mois d'août, le mardi à 20h50 sur France 5. Un grand merci à vous, François Pécheux. Debout, vite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu fais tes valises et tu fonces à la gare. Demain, nous nous intéresserons au métier d'agent secret dans le temps d'un bivouac. À demain donc pour de nouvelles aventures.